Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Parfois bien malicieux. Fort de plus de 2000 archéologues, le plus grand établissement d'archéologie au monde, l'INRAP, déménage son siège parisien vers la rue Vercingétorix ou celle de Gergovie. Bien sûr que non, mais vers la rue d'Alésia. Ouverte en 1864, cette voie rappelle sans nul doute aux Parisiens les fouilles toutes militaires de Napoléon III. Alésia connaît pas, disait René Goscinny. Alésia triomphe de l'impérialisme romain ou, qui sait, victoire des forces collaborationnistes gauloises. Vercingétorix, devant ses troupes, l'aurait dit. La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers, certes, mais l'esprit n'y était déjà plus. Ce soir, le Salon Noir se penche donc sur ces Gaulois vendus à Rome, ceux que l'on entrevoit à la lecture du De Bello Gallico, ceux que les archéologues retrouvent parfois sous leur truelle. Pour évoquer un sujet si iconoclaste, je devais forcément me tourner vers Laurent Olivier. Bonjour. Bonjour. Conservateur en chef du patrimoine, vous gérez les collections gauloises du Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, notamment celle exhumée à Alésia par Napoléon III. Avant d'évoquer la trahison, la honte et l'ignominie, tentons de comprendre cette société celtique au travers de son organisation, ses caractères. Camille Julien l'a dit, les Gaulois sont un peuple de guerre et de bruit. Un fait est sûr, après le sac de Delphes et de Rome, les Gaulois sont synonymes d'effroi. Oui, alors les Romains ont absolument tenté tout au long de leur empire d'effacer ce souvenir terrible de l'été 390 avant Jésus-Christ, où les Gaulois ont commis le pire, se sont emparés de Rome et les ont défaits à plate couture à la bataille de l'Allia. Et d'ailleurs, le 18 juillet était un jour noir pour eux. Tous les ans, il fallait se rappeler que les Gaulois, bien que vaincus, bien qu'écrasés, pouvaient toujours relever la tête et qu'il fallait rester vigilants. Donc, les Romains, effectivement, et les Grecs aussi, hein, ont d'abord eu affaire aux Gaulois, non pas comme des barbares arriérés qu'il fallait civiliser, mais comme des conquérants, comme des vainqueurs qui les écrasaient. Et c'est l'éclat de rire de Brennus devant les sculptures d'Apollon ? Oui, alors peut-être l'éclat de rire de Brennus devant sa propre surprise qu'il a fallu arriver jusqu'à Delphes pour se rendre compte que on pouvait représenter les dieux sous une apparence humaine, simplement humaine. À quel moment les élites celtiques émergent-elles ? Alors ça, c'est une question très intéressante. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une élite ? Je pense qu'on leur fait beaucoup d'honneur. On devrait plutôt parler de privilégiés ou de nantis-élites. Ça laisse entendre un quelconque caractère de supériorité. Ces nantis, en fait, on commence à les discerner dès l'âge du bronze, mais ils apparaissent dans des sociétés de classe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont quelque chose et il y a des gens qui n'ont rien. Ce qui caractérise les élites, et d'ailleurs, ça vaut pour l'âge du fer, mais ça vaut toujours pour la société du XXIe siècle, c'est une classe sociale dominante qui concentre entre la richesse et le pouvoir, et qui l'accumule surtout, qui l'accumule jusqu'à un point où elle renverse la société, elle la fait tomber. Alors de ce point de vue-là, les premières élites vraiment caractéristiques, je pense qu'il faut les voir dans les princes celtes. Les princes celtes qui sont, alors on ne sait pas comment, mais manipulés par le commerce international gréco-étrusque, et puis qui accaparent la richesse et qui finissent tout de même par faire effondrer la société du premier âge du fer, et donner naissance à la civilisation de l'Athènes. C'est par exemple la thésaurisation du prince de Lavaux ou de la princesse de Vix. Donc femme et homme ont le pouvoir. Oui, alors très intéressant, regardons le matériel, regardons en particulier le grand cratère de Vix, qui est un objet extraordinaire, qui n'existe qu'un seul exemplaire. C'est un cratère, donc un vase destiné à mélanger l'eau et le vin, qui fait à peu près 40 cm de haut à la normale, et qui là est agrandi pour pouvoir contenir plus de 1000 litres de breuvage. Donc c'est une fabrication exprès, c'est une adaptation de la haute technologie et des artisans très spécialisés grecs à une demande barbare, une demande qui est complètement ridicule d'un point de vue grec. On a fait la même chose quand on a fait le trône de Bokassa ou quand on a reconstruit des carrosses pour son couronnement. On a fait le même genre. Ou l'élite émergente chinoise aujourd'hui. Oui, bien sûr. Encore une fois, le pouvoir, le luxe, et puis les symboles du pouvoir. C'est-à-dire que ces élites endossent les habits de la respectabilité, les habits du luxe, les habits de l'opulence. Et cette société fait effondrer la société ? Alors, je pense que cette élite, c'est une dimension sur laquelle il conviendrait de travailler, et je m'étonne que on ne s'y intéresse pas plus. C'est l'aspect anthropologique de ça. Le problème de l'archéologie, c'est ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'il produit, ça vient de quoi. Et je crois que il conviendrait de travailler un petit peu plus étroitement sur la question économique du premier âge du fer, et en particulier comment ça se passe, la confrontation d'une économie marchande grecque avec une économie qui n'est pas une économie monétaire. L'économie protohistorique, hein, qui est plus probablement, comme dit David Graeber, une économie de la dette, hein, et donc dans laquelle la richesse, elle est accaparée par les nantis, qui sont pas ceux qui possèdent, mais qui sont ceux qui peuvent redistribuer le plus. Et donc, de ce point de vue-là, les Grecs, puis les Romains ensuite, hein, en diffusant des biens de luxe que les barbares sont les seuls à pouvoir posséder, en fait, en profitent pour tirer les richesses du pays celtique à bas coût, en faisant une énorme plus-value, en quelque sorte. Est-ce que l'on pourrait faire un parallèle avec les sociétés mayas ? On sait que dans la société maya, toute la production est orientée vers les élites et s'effondre. Oui, alors ce qui est intéressant, ça c'est les anthropologues américains qui ont travaillé là-dessus. Il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Tainter, qui a écrit un livre il y a quelques années sur qu'il appelait « Collapse », l'effondrement des sociétés. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que on voit se répéter régulièrement à la fois une montée en puissance astronomique des élites qui concentrent la puissance, qui concentrent l'opulence, qui concentrent les manifestations les plus ostentatoires, et puis juste après, il y a un effondrement. Ça, c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Pourquoi ça s'effondre? En quoi les élites sont responsables ou produisent ces effondrements de société, ces effondrements économiques? Les archéologues pensaient que c'était lié à l'isolement des élites. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pas du tout. Je pense que ce qui caractérise les élites, c'est que justement, elles ne sont pas isolées. Elles sont internationales, toujours, encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et c'est précisément ça qui fait leur croissance. Les élites sont les classes dangereuses. Les classes dangereuses, ce n'est pas les classes laborieuses, c'est les élites. Aujourd'hui, depuis 1945, on est en train de passer une nouvelle ère géologique, l'anthropocène. On essaie de nous expliquer qu'on passe à le réchauffement climatique, c'est parce qu'on ferme pas la lumière en sortant des pièces ou parce qu'on laisse le radiateur trop chauffer. C'est les multinationales qui produisent ça. Ces élites en question contemporaine qui sont en train de faire basculer l'humanité dans un nouvel âge géologique. Il serait temps que les archéologues s'emparent aussi de cette question. C'est un problème social et anthropologique. Laurent Olivier, les grands guerriers tiennent une place tout à fait à part au sein de cette société, notamment vers le 4e, 3e siècle avant notre ère. Là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à regarder dans les mentions des textes historiques, parce que les mentions grecques et puis ensuite surtout romaines voient des sociétés dont ils ne connaissent pas les codes intérieurs. Et en particulier, ils sont tous très mal à l'aise devant ce qui pour eux est une sorte de furie gauloise, une sorte de démence, combattre nu, s'exposer bêtement aux coups et mourir. Et ils ne comprennent pas le rôle qu'a la guerre dans les sociétés gauloises, le rôle qu'a la violence collective dans les sociétés gauloises. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette figure-là, c'est une figure qui n'est pas isolée, c'est pas un artefact historique. On connaît ça aussi dans les sociétés primitives, c'est effectivement les grands guerriers. Les grands guerriers, c'est ceux qui osent tout. Ils sont renommés et respectés à cause de ça. Et la violence, en fait, elle est déléguée par la société. Il y en a des textes qui nous disent que, en fait, c'est la société qui délègue aux guerriers, qui décide la guerre. Parce que, en fait, ce pouvoir absolu qu'ont les guerriers en temps de guerre, il est important que quand la guerre est terminée, qu'il ne l'ait pas sur la société. Parce que sinon, on part vers la guerre civile. Et ça, c'est Julien qui a montré ça de manière très intelligente. Il y a un aspect politique de la société gauloise, qui est une recherche de l'équilibre, qui est justement d'équilibrer une recherche des contre-pouvoirs au pouvoir trop tyrannique et trop grandissant des guerriers. Pour le grand guerrier, la seule issue, c'est forcément la mort et la mort au combat. Ils vivent pour la guerre, hein, et donc la seule issue, c'est ou être victorieux ou être mort. Est-ce qu'on n'est pas devant Ajax et Hector à Troie dans l'Iliade? Oui, c'est ce qui avait beaucoup frappé les Grecs. Pour les Grecs, quand ils ont vu les guerriers d'origine gauloise, ça leur rappelait directement, effectivement, Ajax, la guerre de Troie, c'est-à-dire des affrontements de héros. Et effectivement, par rapport aux armées gréco-romaines, hein, qui combattent avec la phalange, c'est pas du tout le même mode de conception de la guerre. En tout cas, à ces époques anciennes, hein, c'est plus le cas pendant la guerre des Gaules. Mais ils sont encore dans un schéma un petit peu archaïque pour les les Grecs. Nous sommes un peu aussi sur ce que Maurice Godelier, incontournable anthropologue, notamment de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a dénommé les grands hommes versés dans le prestige de la guerre, contrairement au big man qui, lui, est versé dans l'échange de prestige. Oui, alors très intéressant chez Godelier, et je pense que ça, bon, je dis pas que c'est un modèle à appliquer à la société gauloise, mais c'est quelque chose qui peut nous permettre de réfléchir. Les big men et les grands guerriers sont un petit peu comme les deux faces de Janus, c'est-à-dire que, je sais pas comment on doit les appeler les big men, peut-être les magnifiques, les pourvoyeurs, ceux qui distribuent la richesse, ce sont eux dont la face est tournée vers les communautés indigènes. Et puis les grands guerriers, c'est le contraire, hein, ils sont tournés vers l'extérieur, vers l'ennemi. Mais ces deux figures sont complémentaires. En réalité, ces deux figures s'équilibrent. À l'intérieur, celui qui produit la richesse, et on a ça par exemple dans les textes fameux de Posidonios ou les questions du roi Luberne qui distribue les statères d'or et sur son char ou qui fait des grands enclos où il y a à boire et à manger. Il est celui qui rassasie la faim des hommes, leur faim de richesse, leur faim de nourriture. Et les grands guerriers sont ceux qui accumulent le prestige. C'est le prestige qui est le carburant de la société gauloise. À la fois par celui qui distribue la richesse et à la fois par celui qui conquiert. Et d'ailleurs, perdre le prestige, c'est perdre l'âme, disait Marcel Mauss. Absolument, à propos du potlatch, hein, qui est ces espèces de compétitions de dons des Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique, où en fait, le don n'est pas désintéressé. On donne en attendant un contre-don et on essaye d'écraser l'autre par des dons insurpassables. Et effectivement, c'est un combat avec les dons. Là, l'idée, c'est d'aplatir l'autre, sous une munificence d'objets et de richesses à laquelle il pourra pas répliquer. Pour Polybe, César ou Strabon, la guerre gauloise est gérée par la passion, la furie, la démence et non pas la raison. Oui, c'est ça qui les frappe énormément. Mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que dans leur logique de Méditerranéens qui vivent dans des villes et qui sont des sujets d'un État, cette violence individuelle est absolument incompréhensible. Dans des sociétés régies par l'État, la violence, elle est intolérable, que ce soit les individus qui la possèdent elles-mêmes. Elle est déléguée par l'État. C'est seule l'armée peut s'en emparer. Et en fait, ça c'est très intéressant parce que je pense que, comme disait Julien, ça permet de voir dans les textes, dans les replis des textes, des jugements de sens qui n'ont pas été exploités. Je crois que de ce point de vue-là, leur incompréhension, elle reflète le fait qu'ils ont affaire à un modèle social, un modèle culturel qui n'est pas le leur et qui leur échappe, et qui regardent, eux, avec leur propre code. Donc, les règles, mais aussi les motivations de la guerre, seraient-elles différentes entre Gaulois, Romains et Grecs ? Oui, alors encore une fois, quand vous relisez les textes de cette première invasion gauloise en Italie, les Romains sont absolument frappés du fait que les Gaulois ne profitent absolument pas de leur victoire. Ils laissent Rome ville ouverte et les Gaulois n'en font rien de spécial. Ils préfèrent aller attaquer les villas dans la campagne pour se goinfrer, se remplir de vin et de nourriture, en vomir, mais ils n'ont pas d'idée de s'installer. Et même, ce qui scandalise les Romains, ils leur disent, écoutez, nous on veut bien s'en aller, mais vous savez ce qu'il faut faire, il faut nous donner de l'or. Si vous ne donnez pas de l'or, nous on est là, on s'en ira pas. Et on connaît l'histoire, et en plus ils trichent. Hein. Ils faussent les poids, Brennus met son épée dans la balance, enfin bref, ils trichent de manière absolument scandaleuse. Ce qu'ils veulent, c'est de l'or, en fait. Et ça, du point de vue romain, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Parce que l'or, c'est pour les dieux, c'est ça ? L'or, c'est le métal des dieux, et puis aussi, je crois que l'or, c'est le métal du prestige. C'est-à-dire que, là encore, on n'est pas dans des économies monétaires. Pour les Romains, l'or, il est dans les temples, ou bien c'est quelque chose qui forme un capital. Dans ces sociétés-là, d'avant le développement de la monnaie, l'or, il est fait pour être dépensé. Il n'est pas fait pour être accumulé. Il est fait soit pour être entassé dans les sanctuaires, ou soit pour être donné, comme un partage de richesses. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Laurent Olivier, les Gaulois n'ont pas pitié des morts ? Oui, alors là encore, quelque chose qui frappe absolument les Grecs, le fait que les Gaulois, lorsqu'ils les rencontrent chez eux, abandonnent les morts sur le champ de bataille. Là encore, c'est quelque chose de typique aux sociétés à grands guerriers. C'est-à-dire, et vous avez ça d'ailleurs, si vous relisez la guerre de Troie, vous avez exactement ça à propos des héros troyens. Lorsqu'ils sont tués par les Grecs, on s'empare de leur corps, on le traîne derrière un char, le vainqueur fait ce qui lui plaît, ce qui lui semble bon du corps du vaincu. Et vous retrouvez quelque chose de cela dans, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit l'appeler, le Hubert appelait ça le culte des crânes, ça me paraît un peu exagéré, mais le fait qu'on prélève le crâne de l'ennemi pour s'en emparer et pour le garder chez soi à la maison, on dispose du corps du vaincu. Vous l'avez dit, cette fureur n'est pas une fureur individuelle. Il s'agit d'une puissance déléguée par la société gauloise, régie par une démocratie étatique. Quelle est donc cette démocratie ? Alors là encore, c'est Alain Testard qui a beaucoup travaillé sur cette question-là et vraiment... Presque tous les jours, on regrette qu'il soit mort parce qu'il avait il ouvrait vraiment des terrains anthropologiques très intéressants à l'articulation de l'anthropologie et l'histoire. Ce que montre Testard, c'est qu'en fait, la société gauloise est une sorte de demi-État. C'est-à-dire que, en fait, la collectivité délègue le pouvoir aux guerriers, mais leur délègue de manière temporaire, par des assemblées. C'est-à-dire que ce qui contrebalance le pouvoir, c'est la renommée. Et il est dit quelque part que on considère absolument inadmissible que quelqu'un qui détient le pouvoir ne l'exerce pas pour le bien de la collectivité. C'est la renommée, en fait, qui est le à la fois le carburant et le contre-pouvoir de ces potentats. Donc, contrairement à l'image qu'on en a, il y a une notion de contre-pouvoir véritablement à la Montesquieu, qui est déjà en germe dans la société gauloise. C'est pas du tout l'organisation un petit peu... c'est ce qu'on a toujours stigmatisé, le fait qu'ils sont incapables de s'entendre, qu'ils sont divisés, etc. Je crois pas du tout. Je pense que c'est un modèle d'État différent. Face à cette furie guerrière des siècles anciens, la société gauloise s'est-elle ramollie dans les années 60-50 avant notre ère, donc au début de la guerre des Gaules ? Le modèle a changé, en tout cas. Il y a deux, si on essaie de regarder les choses en termes anthropologiques, il y a deux grandes vagues de pénétration économique, tout aussi dommageables pour les sociétés indigènes. Il y a le commerce gréco-étrusque de la fin du VIe siècle, qui amène l'effondrement de la société alstatienne. Et puis, il y a une deuxième vague de pénétration économique qui commence à la fin du IIe siècle et qui est l'œuvre des Romains. En fait, la société est complètement changée à partir de ce moment-là. Et de manière très intéressante, vous voyez que ça affecte aussi les productions d'art celtique. Hein. Le style celtique change complètement et, j'allais dire, se réfugie dans l'art monétaire. En tout cas, les objets désirables qui étaient les objets d'art ne jouent plus le même rôle. Il y a un vrai changement en profondeur de la société et qui est probablement là encore. Je pense que ça serait intéressant d'explorer cette question-là. Je crois que c'est lié à la pénétration économique romaine qui déstabilise les cadres, d'abord les cadres économiques et puis ensuite les cadres culturels de la société gauloise. Qu'est-ce que la honte chez les Gaulois ? Le coup d'épée dans le dos, ça c'est le déshonneur ? Là encore, c'est quelque chose, je pense, qu'on mesure très très mal. C'est une question qu'il faut poser. Qu'est-ce que c'est le bilan de la guerre des Gaules ? On a du mal à estimer la population de la Gaule à cette époque-là. Les chiffres varient pour l'estimation basse à 5 millions, l'estimation haute 15 millions. Mais néanmoins, le nombre des victimes, le nombre des déportés, le nombre des gens réduits en esclavage, c'est monstrueux. 300 000, j'ai entendu. Si on prend une estimation moyenne, ça fait plus que les deux guerres mondiales réunies en une seule fois. C'est énorme l'impact sur la société gauloise. Là encore, il faut imaginer que ça a des répercussions extrêmement fortes sur l'identité même. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons ces Gaulois vendus à Rome avec Laurent Olivier, conservateur en chef au Musée d'Archéologie Nationale à Saint-Germain-en-Laye. La trahison revient régulièrement dans la guerre des Gaules ? Oui, elle est là quasiment à toutes les pages, absolument. La trahison et la collaboration. De fait, elle est pratiquée dans tous les sens. Et le forfait de Litavicos, Éduin et frère de Rome contre César est édifiant. On peut peut-être prendre cet exemple. Ça, c'est un très sale coup à César. Hein. C'est qu'effectivement, les frères de sang de l'Empire romain se retournent contre lui avec Litavicos, qui part rejoindre les forces de la résistance à Gergovie et qui part avec... des fidèles, un corps de fidèles. Et ça, c'est très intéressant parce que les mots romains pour en parler ne trouvent pas d'équivalent. On les appelle des soldures, on les appelle les dévoués, on les appelle des embactes. Les solidaires. Oui, et dans ce système-là, ce sont des gens qui ont fait le vœu de donner leur vie à leur ami. Et pour les Romains, César les considère un peu soit des clients, mais on n'amène pas ses clients à la guerre, hein, ou soit comme des esclaves, on n'amène pas non plus ses esclaves à la guerre. Et dans le système gaulois, je crois que c'est une vieille expression du monde de la dette, c'est-à-dire que on engage sa vie au service de quelqu'un. Et ça a quelque chose de religieux. D'ailleurs, à un moment, César le dit, il dit que ce serait impie, defas, en latin. Ce serait impie de les trahir. Donc c'est un vœu qu'on fait devant les dieux. Vous retrouvez ça aussi dans les rites funéraires. On vous dit que parfois, on emmène sur le bûcher les lettres de créance et les dettes. La dette, elle se prolonge dans l'au-delà. C'est une relation individuelle extrêmement forte et qui amène des solidarités extrêmement puissantes. Ces soldats ou dévoués solidaires jusque dans la mort, eux ne trahissent jamais. Non, ils ne trahissent jamais. Et on en a la preuve peut-être archéologique au travers d'une très belle découverte, 8 cavaliers avec leurs chevaux totalement nus se tenant par l'épaule. Oui, ça c'est à gondole. Ouais, c'est extraordinaire ça, c'est extraordinaire. Je trouve que le geste est très émouvant, hein, cette mise en scène est étonnante, hein. Ils sont enterrés avec leurs chevaux sur le côté, ils se tiennent par l'épaule. On voit une image de la solidarité jusque dans la mort. Et effectivement, c'est toujours très difficile d'interpréter les découvertes archéologiques en termes sociologiques. Mais effectivement, Vincent, vous avez raison. C'est ce qui évoque au plus près ces gens-là. Donc, mort quelque part, bien sûr, pour un grand aristocrate, peut-être même suicidé, reprenons l'expression d'Alain Stetstar, de sorte de sépulture d'accompagnement. Oui, les morts d'accompagnement, absolument, absolument. Très intéressant aussi, quand est-ce que ça commence? On voit apparaître ça au premier âge du fer, de manière régulière. Et on a des exemples tout à fait étonnants dans les nécropoles, je pense à une petite nécropole de Tumulus Fouillansart, où on a des enfants de 6-7 ans, un petit garçon en particulier, qui est enterré avec un vieil homme, si je me souviens, qui doit avoir 60 ans, qui a été incinéré et dont les restes ont été placés à ses pieds. Les classes dangereuses, ce ne sont généralement pas les classes laborieuses, mais plutôt les élites qui concentrent les richesses. Alors là encore, c'est intéressant de regarder ça d'un point de vue anthropologique. Vous connaissez aussi les travaux de Testard et puis de Clastres en particulier sur la société primitive. Ce que dit Clastres, c'est une idée, je trouve, extrêmement intéressante. Il dit que les sociétés primitives, il prend l'exemple des chasseurs-cueilleurs d'Amazonie, sont des sociétés qui sont faites, qui travaillent contre le pouvoir personnel, qui empêchent l'accumulation de richesses personnelles. Et en fait, les élites, ou ce qu'on appelle comme tel, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est lié à l'apparition de la société de classe. C'est lié à l'inégalité sociale. Et effectivement, on le voit bien, on n'a pas besoin d'attendre l'apparition du capitalisme pour voir ça. C'est un phénomène instable. C'est instable dans la mesure où ces nantis, ces privilégiés, concentrent le pouvoir. Et donc, le pouvoir et la richesse, ils ne le prennent pas de nulle part. Ils le prennent de là où ça existe. Donc, en augmentant, ils appauvrissent le reste de la société. Peut-on dire que les élites gauloises vont livrer leur pays, la Gaule, Laurent Olivier? Elles l'ont forcément fait en partie. Et là encore, c'est une question qu'on n'ose pas se poser. En 1940, ce sont pas les Français qui livrent la France à l'Allemagne. C'est les ancêtres de l'ENA, c'est la Banque de France, c'est le patronat qui livre les usines. Ce sont les préfectures qui organisent la chasse aux Juifs. C'est l'ancêtre de la RATP qui les concentre dans des bus et qui les amène aux Veldives. C'est pas les commissaires de police qui disent « Tiens, j'en ai assez de pour chasser les voleurs, je vais faire autre chose ». Ils reçoivent des ordres. Il faut imaginer aussi que la défaite de la Gaule, eh bien, elle s'organise. C'est un amalgame d'États. Elle est aussi, il y a une passation de pouvoir, il y a une organisation de la transition qui prend place. Et ce qui est très intéressant, c'est toujours, encore une fois, c'est ce que disent en creux les discours, c'est ce qu'ils ne disent pas. C'est que cette question-là, en fait, on ne l'aborde pas de front, on ne la pose pas. À défaut de sauver la Gaule, le but n'était-il pas de sauver les élites? Le but des élites était de sauver leur pouvoir. La soi-disant résistance gauloise peut-elle être entrevue comme une sorte de prétexte dans ces cas-là? J'en sais rien, mais je ne crois pas. Julien disait que, en fait, la résistance gauloise leur avait permis peut-être de voir plus grand que ce qu'ils n'avaient vu jusqu'alors. Qu'elle leur avait montré que, en s'unissant, c'était possible de battre les Romains. C'était possible de renverser le cours des choses. Et je crois que ça l'était. Unis dans un même esprit. Oui, je ne sais pas. Mais là encore, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ces événements-là, on les relie au travers du filtre de tout ce qui s'est passé par la suite. On peut pas s'empêcher, en tout cas je ne peux pas m'empêcher, de regarder cette chose-là au travers de ce qui s'est passé en 1940. De la même façon que Julian ne pouvait pas s'empêcher, je dis pas que je suis comme Julian, mais Julian ne pouvait pas s'empêcher de regarder ça au travers du filtre de la guerre de 70. Ces événements-là, qui sont si marquants pour nous, qui sont si fondateurs de ce qui nous est arrivé, en fait on les relie depuis le présent. Et c'est pour ça qu'en fait on y trouve sans cesse de nouvelles significations. Que nous raconte le discours savant ? Que la Gaule était prête à rentrer dans l'histoire, mais était-elle prête à payer ce prix ? Alors là encore, si vous regardez, si vous faites un pas de côté, si vous regardez la littérature scientifique depuis le XXe siècle, la fin du XIXe, elle répète toujours la même chose. Elle dit, regardez les techniques agricoles, les meules rotatives étaient déjà là, les techniques agricoles étaient déjà prêtes à converger avec les techniques romaines. Regardez le commerce du vin, il y avait déjà une pénétration économique italienne. Regardez la céramique, ils étaient déjà en train de se romaniser avant même la conquête romaine. Regardez les monnaies, les monnaies sont faites pour être convertibles en deniers romains. On était déjà presque dans une économie pré-romaine. Et en fait, on laisse entendre que la romanisation était déjà en route, qu'elle était un phénomène inéluctable. Moi, je n'en sais rien, mais je pense que ça, c'est un message idéologique, en fait. Et ça vaut la peine, je crois, ça vaudrait la peine de commencer à regarder ces choses-là d'un point de vue anthropologique, en se demandant, mais qu'est-ce que c'est la réalité sociale et économique de ce phénomène-là ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit que c'est ? La tribu des Rèmes, qui donna son nom à Reims, tient une place de traître toute particulière dans la guerre des Gaules. J'avais demandé à Stéphane Saint-Denino si les rois de France étaient sacrés à Reims parce que les Rèmes avaient justement trahi la Gaule indépendante. On l'écoute. Il y a un lien. Le choix qui a été fait par les aristocrates gaulois à l'époque de César a influé sur le devenir de la ville. Et en effet, cette richesse qui a été acquise a permis d'obtenir une ville médiévale florissante. Laurent Olivier, vous êtes d'accord ? Sans doute, oui, sans doute. C'est tout à fait intéressant de voir d'ailleurs comment, dans la guerre des Gaules, hein, comment César manipule ça, hein, comment il joue de la répression féroce contre les insurgés, ceux qui essaient de se révolter après la défaite d'Alésia, et comment ensuite, finalement, il pardonne aux Éduins, comment il pardonne aux Arvernes, comment il manipule les élites, les aristocraties pour les avoir dans sa poche. Les archéologues ont aussi retrouvé de ces traîtres, notamment l'un au cœur du Sénat, non pas romain, mais français, dans un puits, un homme, un officier en armes avec armes romaines et faits gaulois. On a aussi un dépôt monétaire très intéressant. Donc les archéologues commencent à retrouver les traces de ces vestiges, ces moments. Oui, bien sûr, c'est Lionel Pernet qui travaille sur cette question des auxiliaires avec Luc Barret chez nous. Oui, c'est une question qui est posée de plus en plus fréquemment. Le trésor de Bassin est très intéressant parce que c'est un trésor de quinaire gaulois, donc des monnaies d'argent qui peuvent être échangées avec de la monnaie romaine. Et visiblement, on a toute une série de dépôts monétaires de cette période-là. Beaucoup dans l'Ouest, jusque dans l'île de Jersey. On a trouvé un trésor extraordinaire, plus d'une tonne de monnaie enfouie probablement au moment de la guerre des Gaules. On pense de plus en plus que ce sont des trésors d'encaisse, c'est-à-dire des sommes qui sont destinées à payer des armées. Et on sait, par exemple, ce bassin s'est trouvé chez les médiomatriques. Les médiomatriques envoient 5000 cavaliers à Alésia. Et on l'a trouvé dans un domaine rural, dans une ferme indigène, probablement manifestement de statut aristocratique. Et il ne serait pas impossible que ça puisse être effectivement la réserve, la solde qu'un grand aristocrate médiomatrique avait mis de côté pour payer son armée, pour payer ses cavaliers. La collaboration des Gaulois pour Rome concerne donc les élites. L'une perdurera, une autre disparaîtra probablement, tandis qu'une troisième émergera.